Hein. Je débarque à bord, j'ai l'import, le mental, ma gorge, j'ai l'accord parental. J'apporte pour l'album, prépare la corde et l'accord parental. Ma force, j'ai ma dope parental. La porte de ses portes est détruite, je la cogne et la porte est détruite. Ma force, j'ai pas d'autre avantage. D'accord, je n'ai ma drogue avant le crash. Profitez tous dans le décor et les cordes, plein l'ancrage. Plein le profil des tous. Très patient sous semelle, y'a l'autre qui chiale. Je voudrais ma science sans être à l'hôpital. Je suis très patient sans être à l'hôpital. J'déplore des tonnes, t'as l'engagé. Sous les draps prendre en décor et des corps à l'ancrage. Sous les draps blancs, c'est pour mes sauces. J'ai la pitié d'un ado, la pitié d'un ado. C'est tourner le son, fait tourner le son, qu'on pète les têtes à d'autres. C'est pas que des cadeaux que les parents cachent. Pas que les cadeaux qui se doivent dans le sas. Pour les bandeaux qui se battent en cache. Fais des tas d'or et parle en cache. J'étais excusé de savoir que son âme en crache. Mais parle en rage, tu sais ce que c'est que d'avoir son âme en crache. T'étais en train de rêver du crash. La loi de Murphy, ça veut pas dire qu'un malheur va arriver, mais que tout ce qui peut arriver va arriver. En concert, on veut voir les mains. Casse pas la tête et passe la tête, je m'en bats les reins des gains. Vie oppressante, si je représente, c'est pour les miens. T'es bien, tiens les biens, c'est pour les tiens, les miens, les uns. En concert, on veut voir les mains. Casse pas la tête et passe la tête, je m'en bats les reins des gains. Vie oppressante, si je représente, c'est pour les uns, les îles. C'est pour les miens, les vôtres, les uns, les autres, les indécis. Je suis une vraie pas d'ours, donc un conseil, garde au teutard. Je vais charcler du charlot, c'est sur le charlet que le charclos se barre. Je rôde avec un pack et un barreau et je me barre au que quand tu entends serre-moi fort, c'est bizarre, seul un carreau te parle. Là je prends ma govouillon, se pète une petite bière. Pas grand, pas beau, ignore. Je me vexe plus, j'hiberne. J'apprends, pas trop, je m'idole. Je sèche une tige d'herbe. J'avance grâce au hip-hop. Je mène une vie saine. À l'école, la leçon n'était pas retenue. Aucune tenue en ordre retenue, car c'était cool la leçon. Trop la honte, premier spliff, premier décollage son. Pas dans le dîner avec ma plume, on graille des jeunes en guise de collation. Depuis le départ, je vise les putes, quand je pisse que dalle, je tisse des trucs. J'ai mon devoir, juste un gueulard qui en de face te brise des loups. Je veux viser juste, car je ne suis pas une lumière. Je dégueule près des lampadaires, mais dis-toi que je rappe depuis des lustres. En concert, on veut voir les mains. Casse pas la tête et passe la tête, je m'en bats les reins des gains. Vie oppressante, si je représente, c'est pour les miens. T'es bien, tiens les biens, c'est pour les tiens, les miens, les uns. En concert, on veut voir les mains. Casse pas la tête et passe la tête, je m'en bats les reins des gains. Vie oppressante, si je représente, c'est pour les uns, les îles. C'est pour les miens, les vôtres, les uns, les autres, les indécis.